Audiomatique. Pour amorcer la transmission 504 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation norvégienne Mooster, menée par le saxophoniste Kjetil Mooster. De son plus récent album intitulé Dust Breathing et qui est paru en 2020, nous écoutions la pièce The Bonfire, The Sun. Laissons maintenant l'espace sonore d'Audiomatic à la saxophoniste Melissa Aldana. Audiomatique, nous venons d'écouter l'ensemble mené par le pianiste Greg Spiro, auquel participent entre autres le batteur Makaya McCraven, le vibraphoniste Joel Ross et le guitariste Jeff Parker. La composition entendue se nomme Double Take et apparaît sur l'album de Chicago Experiment publié en 2022. Avant cela, c'était le quintet mené par la saxophoniste Melissa Aldana. Du plus récent album de celle-ci intitulé Echoes of the Inner Prophet, paru cette année, nous avons écouté la pièce A Story. Toujours à Audiomatique, allons-y maintenant avec une longue pièce du percussionniste péruvien Julio Alguendones, alias Chocolaté. Audiomatic, cette séquence musicale d'une seule pièce était l'œuvre du percussionniste Chocolaté, pseudonyme du Péruvien Julio Algendones. La composition Annie Annie Manola apparaît sur l'album de Chocolaté intitulé Peru's Master Percussionist et publié en 2019. En conclusion de cette transmission 504 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe anglais Echo Boy, mené par Richard Warren, du premier album d'Echo Boy, qui est homonyme et qui est sorti en 1999. Nous entendrons la pièce Flash Legs Suite. Les sonoristes mèneront la prochaine transmission d'Audiomatique numéro 505 depuis le studio de la radio C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Cette transmission, comme toutes les précédentes, sera ensuite rendue disponible dans la voûte numérique d'Audiomatique, dont une des portes d'entrée principales s'ouvre à partir de notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Echo Boy et la pièce Flash Legs Suite. C'était Audiomatique avec les sonoristes.